Du jamais vu chez Delbault Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler avec le Toboski de Saint-Félicien. On a fait le bilan dernièrement du centre de ski, le Domiski. On va faire celui du Toboski de Saint-Félicien. Je sais que c'est pratiquement terminé. On en parle avec Marie-Christine Allard, qui est l'adjointe administrative. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Marie-Christine, cette année, ça a été une année... j'imagine que les gens sont écœurés de l'hiver, mais j'imagine que pour vous autres, vous deviez être contents de tout ça? Oui, je vous dirais que certains de nos membres sont bien contents que la saison, là. Écoute, on est encore ouvert la semaine passée, puis on a encore eu des très belles conditions là, jusqu'à la fin de semaine passée. Ça a été une belle saison, pas une année record, parce qu'on a quand même eu beaucoup de périodes de pluie. On a fermé là, deux samedis, on a fermé quelques soirs en raison du froid, des vents, mais en général, la saison a été très bonne. OK. On parle-tu de hausse, on parle-tu de baisse, on parle-tu de stabilité? C'est quoi qu'on parle, là? Je vous dirais qu'on est dans la moyenne. L'année passée, la semaine de relâche avait été vraiment exceptionnelle là, en mars 2018. La semaine de relâche qui vient de passer là, en mars 2019 a été moindre, mais elle se tient dans la moyenne. Là. La saison a été bonne. OK. Ça veut dire quoi? Donc une stabilité. Il y a combien de membres au Toboski de Saint-Félicien? Cette année, on avait au-dessus de 400 membres là, en ski alpin. Okay. Donc, ça assure une hausse au niveau des membres. Sur la saison régulière, là, au total, c'est sûr que ça ressemble là, aux autres années qu'on avait. Là. OK. Donc, c'est semblable, mais on a eu une hausse là, au niveau des membres, là, oui. On a eu plus de gens qui sont venus. On maintient à peu près le même nombre là, en ski de fond, en fat bike aussi, en raquette. Donc, pour les autres sports, ça se maintient. Cette année, on a eu beaucoup de nouvelles familles qui sont venues nous trouver avec leur carte de saison. Donc, c'est sûr que ça a augmenté un petit peu l'achalandage à ce niveau-là. Le fat bike, est-ce que ça monte au Toboski de Saint-Félicien? Parce que moi, je me dis que c'est un sport qui est appelé à avoir beaucoup d'avenir. La journée qu'il va avoir, que ça va être plus accessible, ça va être très intéressant, là. Oui, ben exactement. C'est déjà un sport accessible quand c'est sûr que si on compte pas l'achat du vélo, parce que nous, on en fait la location. Ouais, okay. Le club de vélo de montagne a acheté des fat bikes. Donc c'est sûr que c'est un sport quelques reprises dans l'année qui peut être très abordable chez nous avec la location. On a de super beaux sentiers là avec tous les niveaux. Donc les enfants peuvent en faire aussi. On a deux vélos juniors qu'on peut leur prêter, qu'on peut leur louer. Donc c'est sûr que c'est un sport qui peut être accessible là, quelques fois par année là, à coût moindre. Okay. Mais oui, le fat bike est vraiment en grande évolution là, si on compare que 4-5 ans, ça n'existait pratiquement pas. Là, on est rendu avec quand même beaucoup de membres, beaucoup de sorties aussi qui se font là avec des groupes qui s'organisent. Donc c'est un sport vraiment qui est de plus en plus là, populaire. Dites-moi si on parlait un peu du côté des changements. Est-ce qu'on va travailler sur des projets pour l'an prochain au Toboski de Saint-Félicien cet été? Cet été, pas de gros projets majeurs dans le fond de notre côté. C'est sûr qu'on espère aussi ramasser beaucoup de jeunes en ski de fond. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur aussi. Depuis c'est la deuxième année qu'on avait une cinquantaine de paires de ski de fond du Grand Défi Pierre Lavoie qui nous ont été donnés pour prêter aux jeunes. Donc ça, on les prête totalement gratuitement. Un jeune de 12 ans et moi qui veut faire du ski de fond chez nous, ben ça lui coûte absolument rien. Donc on essaie de faire la promotion de cette nouveauté-là là, qu'on a depuis la deuxième année. L'année prochaine, ben, on espère aller rechercher encore plus de jeunes en ski de fond là, puis promouvoir le sport beaucoup. Là. OK. Ben Marie-Christine, un gros merci. Au plaisir de se reparler. Puis félicitations encore une fois pour l'année. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée. L'adjointe administrative du Toboski, Marie-Christine Allard.